j'en connais qui attendent le coucher du soleil. C'est à ce moment-là que leur esprit s'éveille. Dans la brume et la pénombre, quand les autres sommeillent. Dans ce monde moderne, ils montent comme des OG. À la vitesse là d'une étoile qui scintille, se préparant 21,5 comme une pleine lune. Action sur la tête en tenant faible qu'une minute à perdre d'une ou mort. La nuit demeure jeune, les lampadaires s'allument. L'heure du sommet, faut des dunes, faut des dans la berge de la maille. Claire, nulle part ailleurs que ta cravate sur mesure chez le tailleur. La vie fait le moine dans le secteur. Import-export, contrebande, tout se planifie ensemble. On tient les rênes, que le phare illumine le chemin qu'ils prennent. God damn. La nuit est longue. Les hommes sont mauvais, ils marchent dans l'ombre pour attendre le sommet. La nuit est longue, les hommes sont mauvais, ils marchent dans l'ombre pour attendre le sommet. Quand il s'agit de faire des thunes, au clair de lune, ou peser des fûts belles et brunes, je suis le gars qui te faut. Tu sais que Rika livre des gros paquets de flow, you know me, putain tu connais le professionnel au chromie, le produit est bon, tu sais que j'ai raison, tu sens pur, sans contrefaçon fait maison, vas-y fais péter à fond la dose est dans le sang, tu le sens avec le sang froid, je t'ai déjà dit 100 fois, prends-moi, si tu cherches un tueur, mais faut payer cash dans l'enveloppe, si tu ne veux pas que je te braque, tu crois que je blague, je tape pas là, c'est je vais tabasser le wack, c'est mon sang que de fameux, hey, tu me parles de rap, j'ai des rimes en stock pour les gens des blocs, comme la bonne weed à l'époque, des coffee shop gars, comme la chronique de LA, je te réveille, dis-leur que je suis ton rimeur dealer. À n'importe quelle heure j'ai la dose, mais dis-moi si je suis mauvais, reconnais que certains marchent dans l'ombre pour atteindre le sommet, dorment le jour ressort de la nuit pour la monnaie, homie. La nuit est longue, les hommes sont mauvais, ils marchent dans l'ombre pour atteindre le sommet. La nuit est longue, évite le mauvais œil, travaille dans l'ombre. L'obscurité, l'homme révèle sa personnalité. C'est pour ça que je me fie à mon sixième sens. Sa nuit répond à mes questions. Quant à mes problèmes, je n'ai plus solution. Depuis la terre, j'observe les constellations dans le ciel, qui me rappelle que je suis dans la bonne direction. On a misé haut, regarde, on a eu raison. Y'a plus personne qui peut nous stopper. OP pour le faire jusqu'à la mort, je te promets que moi et mes refrains, on ramènera le trophée à la maison. On a taffé le sang, nickel le reste, je ne veux plus rien savoir. À part la paix, après la plus longue nuit, ramène la lumière de l'espoir.